Radio Crochet. Faut savoir l'encaisser. Et on est de retour sur Radio Crochet. Et cette fois-ci, on vient donc de terminer avec À l'Ouest. Et on enchaîne avec le collectif LGBT. Et on va en discuter. Désolé pour la petite transition crado entre les deux chansons. Tout à aussi, fait. Hein. C'est de la faute d'Antonin voilà. Qui a appuyé sur entrée directement. On balance. Tout à fait. Alors allons-y. Je t'écoute. Je vous écoute. Oui. Alors on est en train de recevoir le centre LGBT, plusieurs personnes, parce qu'il y a plein de collectifs différents au sein de l'association principale, si j'ai bien compris. Donc on a des gens qui arrivent au fur et à mesure. J'en vois d'autres qui arrivent. Moi, je vais bientôt donner mon micro. Bonjour. Est-ce que ça va ? Oui. Bonjour. Alors, parlez bien dans les micros. Oui. Est-ce que vous voulez vous présenter, ceux qui sont déjà là ? Moi, c'est Noémie. Je fais partie du centre LGBT. Je m'occupe des permanences aussi pour les personnes trans et non-binaires. Donc, au diable au corps ? Oui. Et moi c'est Guillaume, donc je suis volontaire au refuge, donc qui a une permanence également au Diable au Corps, puisque nous avons une équipe relais qui s'est ouverte à Rouen. Alors qu'est-ce que c'est que le refuge ? Alors le refuge c'est une association qui a pour but d'accompagner et d'héberger les jeunes gays, lesbiennes et transidentitaires en situation d'errance. Donc ce sont des jeunes majeurs qui ont entre 18 et 25 ans, à qui on offre donc un suivi pluridisciplinaire puisqu'il y a un travail social, un projet de vie qui est reconstruit avec toute l'équipe, au besoin des médiateurs permettent de renouer le lien avec la famille si c'est la volonté des jeunes qui sont accompagnés. Sinon, on leur trouve un logement et on leur offre un accompagnement social, médical et psychologique. Voilà, donc ça, ce sont les objectifs de l'association nationale. Nous avons une équipe relais à Rouen et il y a également au Havre une antenne qui, elle, dispose d'un appartement qui peut accueillir jusqu'à 3 ou 4 jeunes. D'accord. Et donc, vous êtes en lien avec aussi au Havre. Vous êtes les mêmes personnes qui travaillaient à Rouen et au Havre Oui, c'est-à-dire qu'il y a une petite équipe relais qui s'occupe de mener un certain nombre d'actions dont on pourra parler à Rouen. Et au Havre se trouve véritablement une équipe de volontaires, de bénévoles qui s'occupent de l'appartement qui accueille les jeunes. Il n'y a pas d'appartement à Rouen. D'accord. Bon, on va parler de tout ça. Moi, oui. Je vais laisser mon micro à Valérie qui vient d'arriver aussi. Tu veux te présenter et puis on continue à vous poser des questions ensuite. Merci. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc moi c'est Valérie qui fait partie du centre LGBTI de Normandie, antenne de Rouen, et enfin qui s'occupe principalement de l'antenne de Rouen. Je fais aussi partie de Lesbiennes à Gaîté, qui est une association créée par des femmes pour des femmes homosexuelles ou bisexuelles. D'accord. Alors, et donc, le centre LGBT, plus globalement, dans sa totalité, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son histoire à Rouen? Je veux dire, en Normandie, vous êtes en lien aussi avec les gens de Caen? Alors, à Caen, le centre LGBTI existe déjà depuis 10 ans. On vient de fêter les 10 ans, donc c'est une structure déjà ancienne et qui a du vécu. À Rouen, en fait, on attendait la création, l'ouverture du DAC pour pouvoir ouvrir une antenne à Rouen pour pouvoir bénéficier de locaux, parce que c'est pas si facile que ça d'en avoir. Donc DAC, je rappelle, hein, c'est le Diable Corps, c'est là où on est en ce moment en train d'enregistrer l'émission de radio. Bon, bah en un an, je vois que j'ai parfaitement intégré le sigle et complètement oublié le vrai nom. Donc oui, le centre, il est très récent à Rouen. Le principe, c'est que c'est une fédération d'associations, je sais pas si ça t'est expliqué. Une fédération d'associations qui a pour but de mutualiser des moyens, en fait, pour les associations LGBTI du secteur. Donc à Caen, ils sont très nombreux, et à Rouen, on démarre juste, mais on deviendra aussi nombreux qu'eux. Voilà, le centre de mémoire, c'est 12 associations, si je ne me trompe pas. Donc, oui, tu saurais tous les citer? À chaque fois, c'est un exercice difficile, mais je pense au refuge qui est à côté de moi. Donc il y a un groupe trans qui n'est pas une association à part entière, mais donc il y a un groupe trans à Rouen et un groupe trans à Caen. Si je cite d'autres associations, ça va être Lesbiennes à Gaîté, ça va être Contact Calvados, qui est une association qui s'occupe des parents, qui accueille les parents, mais aussi les enfants. Donc la problématique, c'est le dialogue au sein des familles et l'acceptation par les familles de leurs enfants homosexuels. Donc c'est Contact Calvados. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il y a SIDA Accueil, qui fait la prévention sur le sida. Il y a les Enfants d'Arc-en-Ciel, donc une association pour les personnes homosexuelles qui voudraient avoir des enfants. Il y a l'APGL, qui a le même objectif, l'Association des parents gays et lesbiens. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il y avait une association dans le milieu étudiant à Caen, mais elle a terminé son activité du fait du manque de bénévoles. Ça s'appelait Melting Pom, récemment. Qui j'oublie, Noémie? Vas-y, aide-moi. Il y a le MAG aussi. Le MAG, Jeunes LGBT, oui. Une association, enfin, si tu veux expliquer. Ouais, c'est une association pour les 16-25 ans LGBT. C'est voilà. Plutôt un public jeune. Exactement. Donc, en fait, c'est un peu la continuité de Melting Pom, sauf qu'il n'y a pas de structure sur le campus comme il pouvait y avoir peut-être auparavant. Donc le MAG, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que ce sont des jeunes qui accueillent des jeunes. Et ça, c'est important que... Pour que les gens se sentent accueillis, il faut qu'ils trouvent en face d'eux des interlocuteurs qui sont directement concernés par la même problématique qu'eux. Et c'est pour ça que Contact, c'est important aussi, parce que c'est animé par des parents et des enfants, donc des personnes LGBTI. À chaque fois, les gens recherchent... Enfin, on a des gens qui arrivent au centre et qui demandent... qui disent, voilà, je suis gay, je suis lesbienne, et... je viens voir ce que vous proposez et je ne sais pas encore dans quoi je vais m'investir. Et puis, il y a des gens qui disent, moi, je suis plutôt dans un projet de parentalité LGBTI, donc je suis à la recherche de conseils, d'informations, et qui savent exactement ce qu'ils viennent chercher, en fait. Et je disais que le but, c'était de mutualiser des moyens. Et ça, c'est hyper important, parce que sans moyens, on ne fait rien. Et nous, si on n'avait pas eu le Diable Corps pour nous accueillir, je ne sais pas où on aurait organisé nos activités, parce qu'on a déjà essayé au niveau de la mairie d'avoir des locaux, mais ce n'est pas si évident que ça. On n'a jamais eu de réponse favorable pour un local. Pourtant, ce n'est pas anodin de créer un centre LGBTI, c'est une structure importante. Petit bug, mais tu peux continuer. Bon, j'ai dû oublier pas mal d'associations. J'espère qu'elles me pardonneront et quand elles me reviendront en tête, je pourrai les citer. Je pense que le stress me... Ça marche, oui, ça nous a fait pareil ce matin. Ça va bien se passer. Je pense que nos auditeurs ne nous en veulent pas trop. C'est le premier week-end de direct. On met une petite chanson et on revient tout de suite après. Got the blues. Got the blues. Got the blues, baby. Let me tell you that when I met you, I was staring at the boys playing guitar, singing beautiful love songs, and looking at me with some stars in their eyes. But you're such a beautiful woman with such a beautiful voice. Even if you don't play the guitar, I felt something moving in my panties. Got the blues. Got the blues, got the blues, thinking of you. Let's pretend that I'm a boy when I see you. I feel joy, my baby, let me tell you I'm in love with you. Let me sing again all my love for you. My heart, such a great emotion. I can't believe it. I got the blues. What if I tell you I'm a poor little girl who loves a woman? Let me get the blues, baby. Let me get the blues, baby. Let me get the blues. Thinking of you, I could cry every last tear I'm keeping in the steel. Il y a Madonna pour les guillemets. Évitons les caricatures. On est en train de réfléchir aux prochaines musiques qu'on va passer pendant cette musique-là. Donc, Valérie, tu voulais nous citer une autre association qui n'a pas été citée. Donc, à Rouen, il y a une association aussi qui fait ses permanences au Diable Corps qui s'appelle l'ENIPS et qui fait de la prévention en fait, et des tests de dépistage rapide pour les personnes qui viennent aux permanences. Il y a possibilité de se faire dépister donc de façon anonyme, confidentielle, avec un entretien... Parce que tout à l'heure, dans la présentation, on a dépistage sauvage. Je pense qu'on s'est trompé. Hein. Bah, je ne sais pas ce que c'est un dépistage sauvage. Ça nous a fait rire. Mais du coup, oui, là, c'est bien que tu nous expliques. Parce que tout à l'heure, on a lancé l'idée. Enfin, pas l'idée, mais on a essayé d'expliquer ce que c'était. Mais c'est vrai qu'on a un ça peu veut du mal. Dire que ces personnes sont dans un loco fixe, mais que c'est eux qui se déplacent. Exactement. Ouais. Alors, à l'origine, l'ENIP, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être une émanation du SNEC, du Syndicat National des Établissements Gays, je crois. Et c'est une branche plutôt axée sur la prévention et qui s'est développée là-dessus. Et dans les activités que réalise Benjamin, qui s'occupe du secteur de Rouen, puisque c'est une association nationale, ça, il faut le dire aussi. Il y a des associations qui sont locales, qui n'existent que dans leur petit coin. Et il y a des associations qui forment un réseau national. Je pense à Contact, par exemple. L'objectif de Contact, ce serait qu'il y ait un contact dans chaque département. C'est un objectif. Après, c'est génial quand ça existe, parce que ça veut dire que ça réduit les distances à parcourir pour les personnes qui ont vraiment besoin de rencontrer des gens en association. Et donc, il y a des gens qui sont capables de faire 150 km pour aller à une réunion de contact qui va durer 2 heures. Donc, le fait que ça soit présent dans chaque département, c'est hyper important. On a eu l'espoir, à un moment donné, qu'il y ait une association contact qui se crée sur Rouen, mais malheureusement, ça demande des bénévoles qui s'investissent, et ça, c'est pas toujours facile à rassembler. Et donc, j'ai oublié l'ENIPS à Rouen tout à l'heure, et puis, j'ai oublié aussi à Caen, une association qui me semble importante, c'est AIDELF, qui s'est créée il n'y a pas si longtemps. Il y a d'ailleurs une association qui porte le même nom qui vient de se créer de la même façon à Rennes. Donc ça a fait des petits. AIDELF regroupe des personnes non binaires. Et donc ça me permet aussi de faire le lien avec le sigle LGBTI qu'on emploie souvent. Alors LGBTI dans l'ordre. Lesbienne, gay, bi, trans et intersexe. Oui, tu me corriges si je dis des bêtises. Il y a une version beaucoup plus longue qui existe, LGBTQIAAA, si je ne dis pas de bêtises, ne me demandez pas, je ne sais plus. Le Q, c'est queer. Ok. Et justement, là, juste pour essayer d'élargir un petit peu le sujet, pourquoi on voit qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de, voilà, de collectifs, etc., dans tout ce que vous nous présentez. D'une manière un peu générale, pourquoi il y a besoin, selon vous, et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a besoin d'avoir des collectifs et des associations qui se mobilisent autour de ce sujet-là ? Est-ce que vous pouvez nous parler du sujet, alors je ne sais pas si c'est de l'homosexualité ou de l'homophobie, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en dire là, maintenant, de ça ? On peut prendre un exemple concret. Il n'y a pas si longtemps, c'était fin octobre. Il y a eu le 25 octobre, il y a eu l'agression d'un homme homosexuel à Rouen et ça a été beaucoup repris par les médias. Donc c'est un exemple concret. Il s'est fait tabasser et donc en réaction, parce que ça nous semble inadmissible, les associations de Rouen se sont rassemblées pour organiser un événement. C'est pareil, qui a été très diffusé dans les médias. Ça a eu lieu le samedi 2 ou 3 novembre, si je ne dis pas de bêtises, et on était apparemment 800 à peu près. Sur le pont Corneille à Rouen, a créé un événement et a parlé du sujet parce qu'il faut absolument sensibiliser sur la problématique. Le refuge qui est à côté de moi fait des IMS, des interventions scolaires. On parlait, ouais. Oui, pour donner la réalité du terrain, par exemple, il faut savoir qu'en 2017, il y a eu 280 jeunes qui ont été hébergés au point de vue national par le refuge. Ce qui est quand même une hausse de 22,3% d'augmentation, donc ce qui laisse quand même entrevoir le problème d'homophobie, de rejet familial dont peuvent souffrir ces jeunes et la nécessité de l'association qui a 70 places d'hébergement. Donc nous menons en effet des interventions en milieu scolaire, mais aussi il y a également des rencontres avec le monde professionnel. Ça s'est fait récemment chez AXA notamment. Et les interventions en milieu scolaire, on en a de plus en plus qui se font autour de Rouen, mais aussi au Havre, pour sensibiliser le public scolaire donc à l'homosexualité, à la transsexualité et puis lutter contre l'homophobie. Juste, je suis un peu mon naïf, mais ça veut dire quoi sensibiliser à l'homosexualité? les faire réfléchir à ce que c'est, à comment ils le vivent, à la façon dont ils le définissent, tout simplement, parce que parfois, le fait que, par exemple, je sais que ça intervient souvent dans les discussions, le fait que le mot lui-même comprenne le terme sexualité, la dimension amoureuse, en fait, est souvent gommée, donc ça leur permet justement de se rendre compte de est-ce qu'on choisit d'être homosexuel ou pas. Ce sont des grands débats qu'on peut avoir avec eux et qui permettent justement de mettre à plat un certain nombre de choses, de clichés qui peuvent être véhiculés et contre lesquels nous luttons le plus possible. Donc le refuge fait partie des associations qui disposent d'agréments nationaux. Oui, un agrément de l'éducation nationale, depuis 2010, je crois. Et donc c'est important que des associations fassent ces démarches-là. Et c'est pareil, ça demande énormément de bénévoles. Donc, et il faut en général une formation personnelle pour pouvoir intervenir, faire des IMS les plus intéressantes possibles. Donc IMS, intervention au milieu scolaire. Et on sensibilise les jeunes. Enfin, moi, j'ai fait des IMS à l'époque avec l'association Contact qui est à Rennes. On sensibilise des jeunes, mais on se rend compte aussi qu'il manque une sensibilisation des personnels encadrants, donc autant des profs que des gens qui enfin, des infirmières scolaires. Oui, alors ça commence à bouger quand même, parce que nous, on a quand même pas mal de gens qui nous demandent justement des interventions. Ce sont des professeurs. On a fait un gros travail avec un infirmier, notamment d'un lycée de Petit-Queville. Donc je pense que ça, c'est en train de changer un petit peu actuellement, parce qu'il y a une nécessité sur le terrain, en fait, parce qu'il y a des problèmes d'homophobie dans les établissements scolaires qui apparaissent. Donc en fait, on fait appel à nous justement pour essayer de mettre à plat tout ça et puis d'y réfléchir. Ouais. Ouais, justement, c'est la question que j'avais un peu en tête. C'est qu'est-ce qui pousse un peu les établissements à faire ce genre de demande? Est-ce que c'est par anticipation de quelque chose, ou est-ce que vraiment... Les deux, oui, les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté de faire de la prévention pour éviter justement l'homophobie ordinaire, et puis il y a parfois des réalités de terrain. On est intervenu dans un lycée récemment où justement il y avait eu des conflits dans une classe liés à l'homophobie envers un élève. Et le fait de faire intervenir le refuge a permis, de manière générale, de justement mettre un petit peu à plat les choses, de mener une réflexion plus générale qui quitte en fait le conflit vraiment très particulier qu'il peut y avoir dans la classe. Donc voilà, les deux situations sont possibles. Est-ce que, juste pour un peu creuser, je trouve ça intéressant, c'est comment ce genre d'intervention, ça consiste en quoi exactement, sans rentrer trop dans les détails? Non, bien sûr. De toute façon, comme il y a un agrément, les choses sont très cadrées. Hein, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça commence par une réflexion des élèves où ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent sur un petit post-it sur homosexualité et homophobie. Donc comme c'est anonyme, tout peut être dit. À partir de là, nous regardons les post-it et nous essayons justement de voir quels sont les points communs, quelles sont les thématiques et les questions qui apparaissent. On en discute ensemble. Ensuite, on essaie d'expliquer avec eux d'où viennent les phénomènes, le phénomène d'homophobie, la peur, le rejet, etc. Une fois qu'on a mené ce travail, on leur propose des affirmations et des clichés. Donc, par exemple, tous les hommes homosexuels sont efféminés, des choses comme ça. Et on attend leur réaction, on en discute avec eux. Donc, tous ces clichés permettent vraiment de libérer la parole et puis de démonter un certain nombre de choses. Et puis, on termine toujours par une petite mise en situation individuelle. C'est-à-dire qu'on leur donne un petit papier. Par exemple, ton père t'annonce que finalement il est homosexuel, ton meilleur ami est homosexuel, comment réagis-tu ? Donc ça, c'est très intéressant, parce que souvent, de manière générale, la réflexion est intéressante, mais ça reste très abstrait pour eux. Et on s'aperçoit qu'à partir du moment où ça devient quotidien, individuel et très concret, les réactions ne sont pas tout à fait les mêmes. On a même des élèves parfois pour qui ça pose aucun problème, l'homosexualité. Et quand ils sont face à cette situation individuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je trouve que, pour l'avoir vécu, quand on fait les définitions au tableau avec les jeunes, on leur dit, l'hétérosexualité, c'est quoi ? L'homosexualité, c'est quoi ? Ça permet de bien resituer les choses, et ça démonte beaucoup d'idées préconçues qui se sont faites parce qu'ils ont entendu dans leur famille, avec leurs copains, et on voit les yeux qui... ça paraît tout simple comme ça, mais c'est pas si évident que ça. Et puis, pour avoir discuté il y a 2-3 jours avec une responsable d'établissement, elle me disait, c'est quoi la différence entre transidentité et transsexuel ? Dans transsexuel, il y a sexe. Dans transidentité, c'est toute la vie de la personne, en fait. Et de donner ces définitions toutes simples, la lumière arrive. Oui, oui. Ne serait-ce qu'aussi la confusion pédéraste, etc. Exactement, ça faisait partie de la définition. Ouais. D'où ça vient, pédé. Voilà, qu'on entend toute la journée. Voilà. Et donc, autre chose, j'ai parlé du centre en tant que fédération d'associations LGBTI, mais je n'ai pas parlé d'Ornanciel, une association qui fait partie du centre, qui se situe à Alençon et qui, l'année dernière, en 2018, a organisé pour la première fois de sa vie une Pride. Et je peux vous dire que quand on est à la campagne, à Alençon, avoir une Pride dans sa ville, ça, c'est important. Et même si avec 200 personnes, c'est pas grave. Elle existe. Et pour tous ceux qui vont pouvoir se déplacer et venir à la Pride, ce jour-là, ils vont être fiers. Ils vont arrêter de se cacher. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, le centre, c'est aussi une association à part entière qui peut organiser ses propres activités. Et organiser une Pride, c'est ce que fait le centre LGBTI aussi à Caen. C'est lui qui l'organise. Ok, on se fait une petite pause musicale. On revient juste après, si ça vous va. Ok. Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Pour oublier tous ces préjugés. mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. De reine, c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi, le roi, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine, c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi, le roi, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. On sera là jusqu'à demain, 9h, je répète, les 24 heures du marathon Web Radio Crochet pour lancer la radio. Petite dédicace à Vincent de l'autre côté de la Manche qui nous envoie des petits signaux là, qui font très plaisir, qui font chaud au cœur. J'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit sur il a utilisé le mot Twitch. Twitch, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, Vincent, puisque tu nous écoutes, ainsi que 25 autres personnes, vous êtes si nombreux ce matin. Gros bisous à vous. Là, on est avec, du coup, encore le centre LGBT pendant... Et bah, étendu, hein, je ne vais pas revenir, il y a eu tellement de présentations. Mais... pendant encore 30 minutes, du coup, par rapport, on se disait là, pendant la pause musicale, qu'est-ce qui se passe d'une manière nationale en termes de climat par rapport à ce sujet-là? Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu, peut-être, depuis 2013, tu nous disais? Ah bah nous, au refuge, hein, j'ai parlé tout à l'heure d'augmentation des jeunes hébergés, donc ça suppose quand même qu'il y a des réactions familiales assez violentes, puisque ce sont des jeunes qui sont chassés de chez eux, hein, donc qui sont hébergés. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, 22% de plus, ça suppose quand même que le climat n'est pas tendre. Et pourtant, de manière extérieure comme ça, c'est vrai que on a vu une avancée avec le mariage pour tous. Oui, bien sûr, mais en même temps, il y a eu des manifestations à cette occasion qui ont peut-être libéré la parole, une certaine parole, va-t-on dire, et qui a pu justifier peut-être une homophobie ordinaire. On parle en fait de LGBTI-phobie institutionnelle parce que deux éléments forts. Quand vous avez le président de la République qui s'appelait François Hollande à l'époque, qui a accueilli Frigide Barjot sur les marches de l'Élysée, comment c'est perçu par ceux qui sont LGBTI-phobes? Eh ben, on peut être LGBTI-phobe, parce que c'est ça, hein, quand on va manifester contre l'obtention de nouveaux droits pour les personnes LGBTI, ça s'appelle de la LGBTI-phobie. Et ceux qui nous disent, enfin, la Manif pour tous a osé dire qu'ils n'étaient pas homophobes, alors ils sont quoi? ils vont manifester dans la rue, ils affrètent des cars, ils mettent de l'argent pour qu'il y ait le maximum de personnes à Paris, pour faire le plus gros nombre possible, pour dire on est contre le mariage pour les personnes homosexuelles, et ben c'est de l'homophobie. Voilà. Et ils peuvent toujours s'en défendre, c'est le cas. D'ailleurs, c'est perçu comme ça parce que lors d'une IMS récente, on a un élève justement qui considérait que c'était une association contre les homosexuels et c'est revenu dans le débat, en effet. Bah, au moins, il est lucide. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a eu François Hollande avec Brigitte Bardot. Moi, l'image m'a choquée. Je me suis dit, en plus, cette dame-là, elle n'est même pas concernée par le sujet. Elle veut juste se faire de la pub. C'est une opération com pour elle. Et puis d'ailleurs, elle a complètement disparu de la circulation depuis. Ouais. Mais par contre, le groupe s'est constitué en parti politique, si j'ai bonne mémoire. Comment ça s'appelle, je ne sais plus. Le groupe qui a organisé les manifestations, c'est pas Sens Commun, je ne sais plus. C'est pas une émanation de la droite, Sens Commun, c'est autre chose. Je ne sais plus. Mais bon, ça m'a choqué quand même. Il y a une personne très connue qui s'appelle Ludivine de la Rochère. Oui. Donc ce nom-là, on l'entend encore de temps en temps. Et puis un autre événement, c'est quand vous avez Emmanuel Macron, nouveau président de la République, qui dit que les personnes qui ont manifesté contre le mariage pour tous ont été humiliées. Humiliées. Ouais. D'accord. Donc si elles ont été humiliées, nous on a été quoi ? Ouais. Donc si j'essaie de résumer, en parallèle d'une avancée politique, législative en tout cas, il y a, vous pensez que ça exacerbe certains discours anti-homosexuel, du coup. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je pense que jusqu'au début des débats pour le mariage pour tous, on était sur une vraie avancée parce qu'on parlait de plus en plus des LGBTI, pour ne pas citer que l'homosexualité. Donc, dans les séries, la parole, c'était ouverte. Les associations contact devenaient de plus en plus nombreuses. Des parents s'investissent, viennent participer au Pride. C'est quand même fort pour quand on est directement concerné par le sujet, quand on voit des parents qui viennent dans les Prides et qui portent des t-shirts en disant ou des pancartes qui disent mon fils est pédé, en quoi ça vous gêne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. J'ai trouvé un vrai changement là-dedans, parce que moi, quand je me suis découverte homosexuelle, il n'y avait rien. Il y avait Amélie Mauresmo qui venait de faire son coming out dans une revue. C'est tout ce que j'avais comme référence à l'époque. Amélie, si tu nous écoutes. Merci. Merci à elle et à toutes celles qui ont suivi. Et donc, tout ça pour dire qu'à une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait que dalle. Il y avait un article dans les journaux quand c'était l'époque de la Pride au mois de juin. Voilà. C'est vrai, avec des reportages souvent caricaturaux. Ouais, mais bon, c'est comme ça qu'on trouve les numéros des associations écrits en petit en bas. C'est vrai. Et donc, à l'époque, il n'y avait que dalle. Ça s'était développé, c'était plus représenté dans les médias, plus représenté dans les séries, dans tous les domaines. Et puis, on avait l'impression que les personnes LGBTI étaient de plus en plus reconnues. Et puis on en arrive au mariage pour tous, et vous avez, de mémoire, en 2012, un évêque qui dit au micro, lors d'un discours, un truc complètement LGBTI-phobe, en disant « faut se préparer, en gros, les homos veulent le mariage, ils vont l'avoir, c'est une catastrophe, il faut se préparer ». Et donc, c'est, en gros, son discours, c'était cette teneur-là. Bah, c'est toujours très excessif. Hein. Là, il y a récemment, je ne sais plus qui avait dit que justement la mairie de Paris était au lobby, appartenait au lobby gay. Il y a toujours de l'excès dans ces représentations, de faire peur. Le but, c'est de faire peur. Et ça marche parce qu'il y a des gens qui ont peur. Et c'est sur tous les sujets, hein. C'est pas que sur les LGBTI. Non. Oui. Justement, en parlant de lobby, là, j'avais une question par rapport au centre LGBT. Est-ce que vous faites justement du lobbying envers les politiciens pour je sais pas comment dire, pour changer les mentalités ou pour avancer sur des sujets? Le refuge au point de vue national, on fait, et puis au niveau local, on essaie d'avoir des contacts également, justement avec la mairie, avec la région, etc., pour être aidé. Alors, c'est Géraldine, cette fois-ci, du centre LGBTI aussi. Au niveau local, ce qui peut arriver, c'est quand on a quand on a connaissance d'amendements complètement farfelus, on écrit largement aux élus locaux. Et on est membre de la Fédération des centres LGBTI+, au niveau national cette fois-ci, qui a cette action comme le refuge au niveau national d'écrire également, de se manifester et de faire cette action de lobbying. Ok. Vous voulez rajouter des choses sur ce climat Vous avez des chiffres ou des choses Alors moi, j'ai plus le chiffre en tête, mais j'ai, à l'occasion de la manifestation en soutien à Romain qui a été agressé donc à Rouen récemment, il y a eu des chiffres qui sont sortis sur le nombre d'agressions depuis le début de l'année 2018. Oui, c'est complètement effarant. Partout en France, à Lille, à Toulouse, dans la campagne, à Paris, il y a des LGBTI, donc des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, des queers et des intersexes qui se font agresser gratuitement. Et ça, ça n'existait pas. Autant il n'y avait pas Internet où il y avait qu'Amélie Mauresmo sur, sur la première page de la revue. On est une vraie fan. Elle n'a jamais autant parlé d'Amélie Mauresmo depuis 5 ans. Exactement. Gros buzz. Ça y est, opération com pour elle, elle n'a pas fait exprès. Et donc tout ça pour dire que oui, je suis catastrophée par le nombre d'agressions. J'en reviens pas. Ouais. Comment c'est possible? Ça veut dire que si moi je sors dans la rue, que je tiens la main de ma compagne, je risque de me faire casser la gueule. En gros, c'est ça. Et ça fait peur. Et on en est au point de réfléchir à proposer aux gens des sifflets à prix coûtant pour qu'ils puissent appeler à l'aide en cas d'agression dans la rue. Ça s'est fait dans les années 80. Dans les années 80, où des associations proposaient aux gens des sifflets pour qu'en cas d'agression, en pleine nuit, dans la rue, à n'importe quel moment, ils puissent siffler le plus fort possible pour faire fuir les agresseurs autant que possible ou pour appeler à l'aide. Donc, on est en 2018. Qui a proposé ça, là? Je n'ai pas suivi. À l'origine, il y avait les Sœurs de la Perpétuelle Indigence à San Francisco qui avaient proposé des sifflets. Mais là, tu disais que ça revenait. Eh bien, c'est au niveau du centre LGBTI. D'accord. On est en train de réfléchir à un achat de sifflets en grande quantité pour les proposer aux adhérents. Ça peut paraître complètement farfelu, mais vu ce qui s'est passé pour Romain, ça pourrait servir. Ah, on me dit qu'il y a une musique de prévu. Ok, Eh bien, on met une musique alors, c'est parti. Like matter of thinker. Re-bienvenue encore dans cette journée post-insurrection. On est en direct du Diablo Corps pour nos 24 heures de web radio crochet. On est encore avec le centre LGBT. Je fais un petit aparté. Tous les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer des textos avec le lien soit d'Alouest, soit directement du lecteur. Tout ça est sur Facebook, à vos amis, à vos familles, à tout le monde. C'est important qu'on soit nombreux à écouter en ce moment. On reprend du coup sur le sujet large de l'homophobie, l'homosexualité. Et Géraldine, tu voulais nous rajouter un petit point, notamment sur la bioéthique. La bioéthique, ça a été une super occasion pour la Manif pour tous, Civitas, Alliance Vitae et tous ces courants extrémistes de droite, catho et autres, de rester très très en veille et très actif, très organisé, notamment pour faire du lobbying actuellement et faire bien peur aux élus locaux et ailleurs, quant à leur positionnement sur pour ou contre la PMA. Est-ce que la GPA va faire que l'espèce humaine entière va devenir marchande, criminelle, est-ce qu'on va tous mourir, tous disparaître, enfin voilà. Sur la parentalité et la famille LGBTI, on est dans des délires fous avec des gens qui nous annoncent que bientôt on pourra se marier avec des chiens, que les enfants auront deux têtes, que voilà, l'eugénisme, tout, pour faire peur. Et donc, au niveau des associatifs, ce qui ressort massivement, c'est qu'il y a une violence institutionnelle qui est largement alimenté par ces lobbies extrémistes de droite, qui, depuis de récents passages de loi, ont le droit de faire un lobbying encore plus actif auprès des politiques, et qui, on le voit, vont de pair avec l'augmentation des agressions. Voilà. Donc on n'est pas sorti de ce truc-là. Ce qui est un peu différent, c'est que les manifs de Civitas et de la Manif pour tous sont un peu moins présentes en ce moment qu'en 2013. Mais le pic des agressions, le nombre d'appels sur les lignes d'écoute qui augmente, on est aussi sollicité pour les IMS, tout ça on le retrouve, et enfin il y a un vrai parallélisme avec 2013. Donc moi j'ai pas l'impression qu'en tant qu'associatif on soit moins actif qu'à cette époque. C'est une réalité, ça va avec, je trouve, une augmentation de l'extrême droite à ce moment qui est très très populaire. On le voit, ça se ressent aussi auprès des migrants LGBTI, l'image qu'ils ont derrière, enfin voilà, tout ça ça va avec. Donc c'est hyper d'actu, on est complètement là-dedans. À Rouen, on était hallucinés de voir que la Manif pour tous était invitée à venir parler en fac de médecine pour parler, dans le cadre des états généraux, de la bioéthique. C'est juste pas possible, ça. Ça veut dire qu'ils interviennent dans un cadre de formation. C'est grave, c'est grave. Oui. C'est vrai que pour donner du concret, la bioéthique, c'est quoi? C'est le fait qu'en ce moment, au niveau national, on réfléchit à faire évoluer la loi. Ça fait des années qu'on surveille ça, on surveille l'avis du comité consultatif national, et on attendait en fait des soutiens importants. Ces soutiens sont arrivés, je ne sais plus quel organisme a dit qu'il était d'accord, qu'il était favorable en fait à l'évolution de la loi pour mettre en place la PMA pour les femmes homosexuelles qui voudraient avoir un enfant. Donc la levée de bouclier des Antilles qui ont dit que si la PMA passait, on allait bientôt demander la GPA, et que puisque les femmes homosexuelles pouvaient concevoir un enfant en France si la PMA est accordée, pourquoi les hommes homosexuels n'obtiendraient pas ensuite la GPA? Et donc l'argument qui est cité aujourd'hui pour inciter les gens à aller manifester dans les rues, c'est faites quelque chose parce que si la PMA passe, la GPA passera. Et leur argument principal, c'est de dire si la GPA passe, c'est la marchandisation du corps des femmes, puisque ces couples d'hommes feront appel à une mère porteuse. Tu peux rappeler GPA? Alors gestation pour autrui. Et PMA, procréation médicalement assistée. Donc jusqu'ici, les femmes homosexuelles qui voulaient avoir un enfant, soit le faisaient de façon artisanale, on appelle ça les bébés doliprane, c'est-à-dire qu'on récupère le sperme d'un ami, d'un copain, donc sans qu'il soit analysé, sans qu'il soit vérifié, sans savoir s'il est porteur de gènes de maladies héréditaires. Et puis on prend une pipette doliprane qu'on trouve dans tous les sirops doliprane, et puis on met le sperme dedans, et puis en général la compagne insémine sa compagne En gros, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un bébé Doliprane. Après, vous avez « Je suis riche et j'ai les moyens et j'ai envie d'avoir un enfant dans de bonnes conditions ». Donc, si vous êtes dans la partie sud de la France, vous allez en Espagne. Il y a, à Barcelone, par exemple, il y a une clinique qui doit s'appeler Eugène et qui accueille les femmes françaises. Moyennant finance, vous allez avoir du sperme de donneur anonyme. Et puis, vous allez avoir un traitement pour augmenter la fécondité de la femme qui va recevoir le sperme. Et donc, vous avez une surveillance à mettre en place, vous avez un suivi gynécologique. Alors, c'est complètement hypocrite parce qu'en France, il y a plein de médecins généralistes et de gynécologues qui acceptent de faire ce suivi médical. Et donc, surveiller à quel moment la femme sera la plus féconde pour qu'elle puisse se rendre en Espagne autant de fois qu'il le faudra, pour pouvoir être inséminée et donc démarrer une grossesse. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux du sud de la France. Et puis si vous êtes du nord de la France, vous allez en Belgique. Voilà. Mais ça demande des moyens. Et pour avoir entendu des témoignages de femmes qui ont procédé comme ça, ça demande de poser des jours de récup, des jours de congé, d'être disponible. Votre vie ne tourne qu'autour de ça, parce que vous êtes obligé de surveiller le cycle, etc., etc. Et en plus, apparemment, ça nécessiterait en tout et pour tout un budget d'à peu près 10 000 euros. Ça veut dire que si vous êtes riche, tant mieux. Si vous n'êtes pas riche, et ben vous allez faire un bébé Doliprane, et puis vous utilisez du sperme, mais avec des risques. Voilà. Et c'est là que ce n'est pas acceptable. Et pour rebondir là-dessus... les Antilles préparent leurs armes pour aller manifester à Paris autant de fois qu'il le faudra, mais vous avez aussi des points positifs qu'il faut citer, puisque vous avez une série qui passe en ce moment qui s'appelle 10%, et l'épisode qui vient de passer récemment présente le cas de deux femmes homosexuelles, et donc en quelques minutes elles démontrent plein d'arguments dans cet épisode là et ça vaut le coup de le regarder. Donc c'est la série 10% sur Netflix, sur France 2. Hein, ah oui, c'est pas ce... En plus, à des heures de grande écoute, vous vous rendez compte. Avec ou sans Amélie Mauresmo. Ok, moi j'ai une question un peu naïve pour étendre au maximum le sujet. Pourquoi, selon vous, il y a de l'homophobie encore aujourd'hui? Pourquoi? Enfin, moi, quand il y a eu la comment on appelle ça, les anti, comme tu dis, qui manifestaient. Je me demandais vraiment l'intérêt d'aller manifester pour quelque chose qui ne concernait pas vraiment les gens. Et du coup, je me demandais en quoi, qu'est-ce qui va provoquer ce sentiment d'homophobie selon vous, quoi. Il y a beaucoup de peur de la différence. Il y a le poids aussi d'un certain nombre de traditions. L'argument religieux intervient aussi quand même. Donc, moi, je pense qu'il y a, voilà, ça mélange de tout ça. Puis vous avez des discours terribles. Vous avez, qu'est-ce que c'est, un mec, un vrai? Oui, c'est ça. Là, c'est pas un PD, c'est pas une tafiole. Le culte de la virilité. Le culte de la virilité, le genre. En fait, tout part du genre. En fait, un homme qui est un peu trop efféminé, c'est plus un homme. Il suffit d'écouter Didier Préteau, par exemple, qui en parle bien. Et c'est justement ce qu'on avait prévu. On l'écoute maintenant. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. liquide. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Bim, Eddie de Préto ou Péto d'ailleurs, Préto, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'air. Ok, autant pour moi. Il nous reste quelques minutes avec vous, messieurs, dames. On va recentrer le sujet sur le local et notamment sur les permanences. Et là, justement, on a parlé de plein de sujets très sérieux et très importants, mais je rappelle que il y a des moments de convivialité aussi. Est-ce que vous voulez nous en parler? Je vais en parler pour les permes trans, du moins. On propose des moments de convivialité tous les deuxièmes jeudis du mois, de 18 à 20 heures. Alors, c'est des moments de convivialité où on peut avoir des infos, partager avec d'autres personnes des vécus, avoir des informations sur que ce soit au niveau médical ou administratif. C'est pour les gens qui ont des besoins, en gros, bien souvent. Il y a beaucoup de monde qui vient, justement. C'est beaucoup par Internet aussi, par message. Après, c'est beaucoup pour des transitions médicales, vu qu'il y a très peu de médecins sur la région qui acceptent de faire des suivis. C'est assez compliqué. Ok. On essaie d'orienter là-dessus, quoi, assez souvent. Très bien. Il y a aussi, si je ne m'abuse, des soirées queer et aussi des soirées king. Et d'ailleurs, la différence nous intéresse. Si vous pouvez nous en parler. Là, pour les soirées king, la première soirée king, elle a été organisée au printemps dernier. Et c'était à l'occasion d'un atelier mis en place pour que les femmes puissent travailler leur king. Donc ça veut dire... que ce jour-là, à partir de 14h jusqu'à 17h à peu près, elles sont venues. On a rencontré plein de personnes nouvelles qui venaient vraiment dans cette démarche-là. On a fourni quelques éléments importants. Et il fallait notamment du bandage pour bander la poitrine. Il fallait des chutes de cheveux pour faire des barbes, des moustaches. Et donc, les filles ont amené leurs vêtements... ont posé pour l'appareil photo d'une photographe qu'on remerciera jamais assez, Alex. Donc, elles ont performé leur king, c'est-à-dire qu'elles ont pris une attitude masculine. Et donc, le king, c'est le pendant des drag queens, en fait. C'est drag king et drag queen. Donc, les drag queens, en général, elles sont connues parce que ces hommes qui performent leur féminin tellement bien que des fois elles me font rêver, les drag queens. Elles sont plus féminines que je ne serai jamais. Et donc les kings, on en parle très peu, mais il y a des femmes qui travaillent là-dessus. Et il y a notamment une artiste qui performe dans le monde entier et qu'on aurait bien voulu faire venir à Rouen, mais qui était surbookée comme d'habitude. Donc Louise Deville, si vous regardez sur internet, vous trouverez Louise Deville, mais aussi Louis Deville. Et vous avez aussi une réalisatrice qui s'appelle Chris Lack qui a fait un reportage là-dessus qui s'appelle Parole de King et donc qui présente des femmes qui ont travaillé leur masculin. Voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à rajouter là-dessus? Mais on va remettre en place en fait, des activités sur ce sujet-là. Au mois de mars, il va y avoir une exposition normalement à la galerie Trampoline. Donc l'exposition des photos prises par Alex l'année dernière, enfin en 2018. L'expo aura lieu en 2019. Donc les femmes attendent ça avec impatience. C'est un travail de belle qualité et ça fait des photos super chouettes. Et il n'y aura pas que ça, il y a d'autres choses qui sont prévues ce jour-là. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas. Donc ça concerne les femmes et puis toutes celles et ceux qui sont curieux sur le sujet. Voilà. C'est l'occasion de présenter le queer, le king, le queen. Ouais, vas-y. Et alors les soirées queer, elles s'adressent aux personnes queer, donc aux gens qui remettent en cause toutes les normes de genre. Toutes les normes aussi liées aux orientations sexuelles. C'est des temps de convivialité qu'on a proposés dans le cadre de soirées, avec concerts, avec projections de films. On l'a fait 3-4 fois, peut-être 5 maintenant, je ne sais plus, à la Conju, au Diablo Corps. Voilà, c'est à suivre au fur et à mesure en fonction des activités qui sont proposées sur les projections. C'est pas évident comme ça de présenter le queer. Enfin, c'est une fête, hein. Là en l'occurrence, les soirées queer, c'est vraiment une fête, un temps de convivialité. Sinon, pour les permes, je reviens là-dessus, on a une perme de convivialité large qui est un temps d'accueil qui a lieu le premier samedi de chaque mois à partir de 18h et on fait ça au Diablo Corps. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres permes, d'autres... Ouais. Donc moi, je vais enchaîner avec le refuge. Donc la délégation de Seine-Maritime au Havre donc, accueille, tient une permanence au 56 rue Labédoyère au Havre, les samedis de 14h à 16h. Et puis nous, à l'équipe relais de Rouen, donc au Diablo Corse en rue Saint-Hilaire, donc tous les deuxièmes lundis de chaque mois. Il ne faut pas hésiter à consulter la page Facebook du Refuge Normandie. Et je voulais terminer quand même par la ligne d'écoute qui est importante, hein, ligne d'écoute du Refuge. Donc au 06 31 59 69 50, on peut appeler parce qu'on est dans une situation d'urgence en termes d'hébergement, mais on peut aussi appeler quand on se pose des questions sur sa sexualité, etc., ou pour tout autre problème. Et je termine en signalant que tous les mercredis de 18h à minuit, la ligne d'écoute se spécialise pour les questions identitaires et trans. Voilà. Il y a encore deux autres permes qu'on n'a pas mentionnées. Il y a la permanence de santé sexuelle de l'INIPS le quatrième lundi de chaque mois à partir de 18h30. Et on propose aussi de l'aide administrative à destination des migrants LGBTI. Voilà. Donc, la permanence pour les migrants, c'est le... Alors, la prochaine, ça sera le 15 décembre. Oui, voilà. Et donc ça sera le samedi, en fait, et à partir de 17h, ouais, 17h, je crois. Ouais. On verra, il y aura certainement une évolution parce que la première vient d'avoir lieu et... La seconde, c'est le 15, mais que surtout, ça suppose un suivi individuel. Ok, en tout cas, il y a beaucoup de choses, on a vu, c'est très bien. N'hésitez pas à passer au Diablo Corps si toutes ces informations-là se sont mélangées dans vos têtes. En tout cas, tout est ici à disposition de tout le monde. Oui, il y a un site internet. C'est quoi le site, l'adresse? Si vous pouvez rappeler l'adresse du site. Alors, le site internet du Centre LGBTI de Normandie, www.centrelgbt-normandie.fr. Le tiré, c'est le tiré du 6. Ok, tiré du 6. On va vous remercier. Je ne sais pas si vous voulez dédicacer. Voilà, c'est le moment des dédicaces, si vous voulez passer un dernier message. Tu veux que je parle à Mélie Mauresmo, là? Jamais autant parler d'elle. Ok, merci à vous quatre. Merci à vous. Et on va se quitter avec une chanson et on revient forcément juste après, puisqu'on est en direct jusqu'à demain. On revient avec l'émission culinaire. La suite est arrivée, donc il n'y a pas de retard, tout va bien. On est carrément bien là, ça roule, c'est super. On vous laisse avec quelle chanson, Benny? The Blaze. Ok. Allez, on va te rejoindre.